Exercice 5, page 84. Votez pour nous. Un rôle pour vous. C'est notre pause. C'est votre faute. Un joli port. Une drôle d'école.